Bon, les billes, donc moi, quand même, Jules Gay, spécial dédicace pour avoir fait ce site qui nous permet de nous retrouver. C'est une chose à un petit lépida. Donc, il y a beaucoup artantam ñu joggé marché di dox nak jaar ci all bi di dox jéggi jéggi rek bu gëni lér na ma instant yi lek mu ngi def yefu say say xtantam tandu nak astaghfirullah bukki do bay li ngay wax bukki nako néma rek ya bañ